Par ici tout va bien, on n'a besoin de rien. On caresse nos chiens, on leur donne les os. On construit des jardins avec des caniveaux. On habite dans la ville, on canalise l'eau. Mais on rêve de vampires, de mammouths et de dinosaures. On voudrait être fort. On ausculte les grottes, les momies, les cimetières. On a peur de la mort. On vénère nos médecins. On s'occupe de nos corps. On échelonne les vaccins, on connaît le terrain. On se fait retendre la peau, on se fait bronzer sous des lampes, on se brosse les dents, on avale des mélanges. Mais on a dans la bouche des relents de cervoise, d'hydromel et de plantes. On adore les fourrures, on trouve ça séduisant. On repasse de vieux disques, on enregistre, on se souvient, on trafique la mémoire. Mais on vit dans le présent, on n'aime rien vraiment. On change nos fringues, on fait comme les autres. Mais quand on fait l'amour, on se suce les doigts, on parle avec les dents. Et puis on oublie tout, on se lave les yeux, on se vide entièrement. On part ici, tout est normal. Nos gosses font du sport. On n'a pas l'air comme ça, mais on mange à notre faim. On étudie les races. On est européen. Et de New York à Pékin, on renforce les liens. Mais on se forge des armes. On peut pas oublier cette vieille loi du sang. On se sent tous indiens, on repense aux croisades, on a soif de Saint Graal. Mais on rêve de vampires, de mammouths et de dinosaures, on voudrait être fort. On ausculte les grottes, les momies, les cimetières, on a peur de la mort.